Avant qu'elle eût pu faire un mouvement pour m'éviter, je lui avais planté un bon baiser sur la joue. Elle sauta de côté, mais trop tard. Puis elle dit « Eh bien, vous n'êtes pas gêné non plus, vous. Mais ne recommencez pas ce jeu-là. » Je pris un air humble et je dis à mi-voix « Oh, mademoiselle, quant à moi, si j'ai un désir au cœur, c'est de passer devant un tribunal pour la même cause que mon rein. » Elle demanda à son tour « Pourquoi ça ?» Je la regardai au fond des yeux sérieusement. « Parce que vous êtes une des plus belles créatures qui soient. Parce que ce serait pour moi un brevet, un titre, une gloire, que d'avoir voulu vous violenter. Parce qu'on dirait, après vous avoir vu, tiens, la barbe n'a pas voulu ce qui lui arrive. Mais il a de la chance tout de même. » Elle se remit à rire de tout son cœur. « Êtes-vous drôle ?» Elle n'avait pas fini le mot « drôle » que je la tenais à plein bras et je lui jetais des baisers voraces partout où je trouvais une place, dans les cheveux, sur le front, sur les yeux, sur la bouche parfois, sur les joues, par toute la tête, dont elle découvrait toujours, malgré elle, un coin pour garantir les autres. À la fin, elle se dégagea, rouge et blessée. « Vous êtes un grossier, monsieur, et vous me faites repentir de vous avoir écouté. » Je lui saisis la main, un peu confus, balbutiant. « Pardon, pardon, mademoiselle, je vous ai blessée, j'ai été brutal. Ne m'en voulez pas, si vous saviez. » Je cherchais vainement une excuse. Elle prononça au bout d'un moment. « Je n'ai rien à savoir, monsieur. » Mais j'avais trouvé. Je m'écriai. « Mademoiselle, voici un an que je vous aime. » Elle fut vraiment surprise et releva les yeux. Je repris. « Oui, mademoiselle, écoutez-moi. Je ne connais pas Morin et je me moque bien de lui. Peu m'importe qu'il aille en prison et devant les tribunaux. Je vous ai vu ici l'an passé. Vous étiez là-bas, devant la grille. J'ai reçu une secousse en vos apercevant et votre image ne m'a plus quitté. Croyez-moi ou ne me croyez pas, peu m'importe, je vous ai trouvé adorable. Votre souvenir me possédait. J'ai voulu vous revoir. J'ai saisi le prétexte de cette bête de Morin et me voici. Les circonstances m'ont fait passer les bornes. Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. »